contre-pays. Avec leur mosquée et leur tacos, l'impatience grandit de jour en jour. Au plus profond de la nation, il ne fallait pas nous provoquer et réveiller en nous l'atavisme de nos ancêtres les Germains, qui ont vaincu tant de victoires. Les Arabes, on va vous crever, on va vous crever, buter. Vous allez crever les Arabes, on va vous buter. Les Arabes, faites vos prières, on va vous crever, buter. Vous allez crever les Arabes, on va vous brûler comme Notre-Dame. Par le passé, ils auraient osé s'attaquer à notre patrimoine. Ils nous auraient très énervés et on les aurait tous crevés. Depuis 50 ans, les politiciens français nous imposent l'immigration afin de détruire notre patrie. Et détruire notre patrie. Les Arabes, on va vous crever, on va vous crever, buter. Vous allez crever les Arabes, on va vous buter. Les Arabes, faites vos prières, on va vous crever, buter. Vous allez crever les Arabes, on va vous brûler comme Notre-Dame.